Merci à tout le monde. Et merci beaucoup à M. François Julien de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Alors, je commence. Alors, ici, en m'appuyant sur de l'essence retenue, je voudrais partager avec vous ce que j'ai appris de cet ouvrage, tout en proposant, s'il est possible, mes réflexions personnelles sur cette absence de l'art venu dans ma propre culture. Alors, mon intervention se divise en trois parties. D'abord, la beauté du dévoilement et la beauté du gâchis. Puis, la recherche de la ressemblance et la recherche de l'esprit. Enfin, la culture d'humanisme et la culture de mon dernier haut. Je commence par le premier point. La beauté du dévoilement et la beauté du gâchis. Pour François Julien, le nu se caractérise avant tout par son dévoilement trop direct, son aboutissement à l'essence la plus profonde des choses, d'où surgit immédiatement dans un corps nu. Ici, je cite, « Il n'y a plus rien après la nuit, plus d'écran, toutes les couches en sont retirées, on ne peut encore ôter. La perception ne peut aller derrière, effeuiller davantage, se reporter. Un c'est comme ça est atteint, qui est définitive, et qui ne permet pas au désir de croiser et d'aller plus loin. » Fin de la citation. Alors, ce caractère trop direct n'est pas accepté par les Chinois, pour qui le nu, loin d'atteindre l'exigence de la beauté, signifie que l'homme n'est pas encore sorti de la barbarie, de son animalité, qui est le contraire de l'homme civilisé, apprivoisé par les rites confucianistes, surtout. Donc, peindre ou exposer un corps est jugé comme un signe d'infériorité sociale, un geste peu estimé dans le système des valeurs éthiques chinoises. Alors, dans le domaine linguistique, exprimer ses idées de façon explicite en Chine manifeste un manque de convenance, d'élégance. Jusqu'à l'époque où vivait Lin Yutang, ce grand savant contemporain a constaté encore que nombre de Chinois ne peuvent se faire à l'idée que la civilisation occidentale exige que des modèles vivants et déshabillés posent quotidiennement et pendant des heures sous les yeux des artistes pour leur permettre d'acquérir les simples rudiments de la peinture. Les Chinois, par nature, sont une race dite conservatrice, de sorte que certains faits ont déplu aux Chinois et leur ont semblé grossiers, communs et primitifs, comme le mari et la femme marchant la main dans la main, le père et la fille s'embrassant, le baiser à l'écran, sur la scène, sur les quais et gares, le baiser en tout lieu. Ils y ont trouvé la confirmation de la supériorité réelle de la civilisation chinoise. Alors aujourd'hui, je dis que la mentalité chinoise n'a pas beaucoup changé, malgré la présence des modèles nus professionnels et de plus en plus de tolérance sociale sur l'art du nu. La majorité du peuple réserve encore leurs idées. Revenons au texte Julien. Pour les Chinois, le nu tuant l'imagination, la grande beauté existe dans un reste, un surplus de saveur, dans l'alternance de va-et-vient entre le vu et le non-vu, l'image indécise entre le visible et l'invisible. Je cite... Un nu est toujours spectaculaire, qu'on le veuille ou non, la formule chinoise, elle, recommanderait l'inverse. Au début, on y prête attention, mais il s'en dégage progressivement une saveur qui ne cesse de se déployer. Fin de la citation. Admirer le reste de saveur, c'est comme on entend des mélodies paisibles qui tombent sur le cœur en nappe de sérénité. Au dire de l'écrivain chinois Zhou Zuoren, tout ce qui peut s'énoncer est dénué d'importance. Semblablement, tout ce qui est montré d'emblée vers la véritable beauté. La peinture à l'huile utilise la toile et la peinture chinoise le papier à rouleau, de sorte que l'appréciation du tableau devienne elle-même un témoignage du jeu visible-invisible. Peindre sur une toile, souvent de grand format, le tableau occidental donne une impression directe et retient immédiatement l'attention de celui qui le regarde. Pourtant, la peinture chinoise, qui ne peut pas être vue d'un seul coup d'œil, exige la patience. La vue suivant le déploiement progressif du rouleau en longueur ou en hauteur. L'esprit est aussi guidé par cet espace de plus en plus ouvert. Cette recherche du reste de saveur des Chinois se voit également par le truchement de leur dégustation du thé. En buvant la première gorgée, c'est la saveur amère qui intervient dans la bouche. Mais après quelques secondes, cette amertume va se transformer fabuleusement en saveur douce et suave. On l'appelle en chinois « hui wei gan tian », c'est-à-dire un retour au sucré. Tout le plaisir du thé est dans la sensation de cette transformation graduelle entre deux pôles des goûts. Pendant que l'amer se dissipe, le sucré se sent peu à peu jusqu'à sa plénitude. Deuxième point, la recherche de la ressemblance et la recherche de l'esprit. La pensée de Julien sur cette recherche de la ressemblance dans la peinture classique de l'Europe trouve sa justification chez les peintres comme Léonard de Vinci. Je cite, « Pour Léonard, comme pour toute la peinture classique en Europe, le corps humain est un corps physique soumis à des principes rigoureux de tension musculaire, d'équilibre et de pondération. » Fin de la citation. La peinture qui est digne le plus d'éloge pour de Vinci, c'est la peinture qui a la plus de ressemblance avec ce qu'elle imite. Pour saisir cette ressemblance, nous savons que l'auteur de la Joconde a même proposé au peintre de juger l'exactitude de ce qu'il a peint à l'aide de l'objet reflété dans un miroir. Voilà pourquoi la peinture sur homme est plutôt une science dans laquelle les connaissances anatomiques sont indispensables. Il y a entre l'Occident et la Chine une différence essentielle sur l'objet de cette imitation. Le peintre occidental imite tous les objets dans la nature. Ce n'est pas les objets que la peinture chinoise veut imiter, mais les œuvres des maîtres anciens. En art comme en éthique, les Chinois adoptent une attitude modeste envers les anciens. Pour apprendre à peindre, on est obligé de contempler d'abord autant de chefs d'œuvre possibles de ses prédécesseurs et de chercher à les copier. La copie est un hommage à ceux qu'ils vénèrent. Côté occidental, on se rappelle la critique acerbe que porte Léonard contre cette imitation des maîtres. Je dis aux peintres que personne ne doit jamais imiter la manière d'autrui. C'est une piètre disciple, celui qui ne surpasse pas son maître. Comment les Chinois conservent-ils cet art? Voici la réponse de Tang Chun de la dynastie de Song. Je cite, « Il n'y a rien qui vit entre ciel et terre, dont elle, c'est-à-dire la peinture, ne scrute les mystères et ne montre les multiples aspects. Son art tient un seul adage, transmettre l'esprit, chuan shen. Le terme esprit ou idée peut désigner l'esprit interne, la vitalité de l'objet représenté. Les maîtres du jardin de l'Ouest sont les imitateurs et les peintres chinois les inventeurs, car leur tâche n'est pas de rechercher la ressemblance, mais de recréer le réel. » Il vaut la peine de citer une anecdote chinoise pour illustrer ce point. Il y avait autrefois un artisan qui s'appelle Gong Shu qui voulait sculpter un phénix. Au début, tout le monde se moquait de la laideur de son ébauche. On disait que c'était plutôt un hibou, un bédigan. Quand le travail a touché à sa fin, on était surpris de cet animal prodigieux, car le phénix avait une superbe aigrette émeraude qui se dressait, vaporeuse, au-dessus de sa tête. Ses pattes vermillons avaient de reflets éblouissants. Ses plumes chatoyantes semblaient faites du brocart que disent les nuages au coucher du soleil, et sa gorge était couleur de feu. Un coup de pouce sur un ressort caché fit s'envoler avec un battement d'aile l'oiseau mécanique. Et le merveille des merveilles, c'est que, 3 jours durant, on le vit monter et descendre à travers les nuages. En second lieu, cet esprit parle de la conception cosmologique du qi, souffle vital, qui occupe une place prépondérante dans l'existence de l'être humain et de la nature, au sens ontologique du terme, que dans les activités artistiques, dont les deux formes par excellence sont la peinture et la calligraphie. Je cite le propos de Julien. L'anatomie a fort peu intéressé les Chinois, elle reste chez eux très grossière, car ils prêtent moins d'attention à l'identité ainsi qu'à la spécificité des composants morphologiques, qu'à la qualité des échanges qui s'opèrent entre le dehors et le dedans et assurent ainsi au corps entier sa vitalité. Fin de la citation. Cette vitalité julienienne est le synonyme du terme chinois qi, souffle, énergie. Dans la peinture, il y a 2 sortes de qi que les peintres s'efforcent de représenter. Le premier, c'est le qi de la nature, celui du dehors. Si les lettrés chinois se rendent souvent à la nature, c'est à la fois pour chercher l'inspiration et se distraire. En un mot, pour ce qu'on dit en chinois, absorber de l'essence du ciel et de la terre, xi qu tian di jing hua. Cette essence sous forme de la vitalité d'une cascade ou la force d'une montagne, c'est le qi. Dans un lavis chinois, on peut rendre visible ce qi invisible et mouvant par quelques dispositions variées, par exemple, l'espace du plan derrière les montagnes lointaines, un pont qui lie les 2 côtés de la rivière, les brumes et les nuages qui cachent partiellement les montagnes, une cascade descendant du sommet, les oies sauvages volant et le regard du personnage qui suit le vol des oiseaux, etc. Le mouvement du qi, de même que l'énergie de ce monde, se cache sous une apparence monodome et monotone. À part cela, n'oublions pas une autre particularité de la culture chinoise qui a toujours l'habitude d'établir une correspondance entre la nature et le monde humain. Pour les Chinois anciens, les êtres et les choses entretiennent des rapports de correspondance et de résonance parce qu'ils participent tous du qi. De cette même matière fondamentale, ils sont intimement liés les uns aux autres. Et de nombreux Chinois pensent que le qi envahit le corps avec le premier souffle de l'enfant et que, comme les aliments, il nourrit les organes vitaux. Le corps humain est considéré comme une reproduction exacte du macrocosme dans lequel circulent les souffles. Ainsi, les exercices du qigong et du tai chi chuan sont-ils favorables à la santé physique aux yeux des Chinois puisqu'ils aident la bonne circulation du souffle interne. Pour reprendre le terme julienien, l'échange entre le qi du dehors et le qi du dedans. Les Chinois s'efforcent de représenter dans la peinture les souffles du corps humain. Une des expressions est dans le drapé des vêtements mouvants. Le personnage représenté sous forme du nu se prive donc de cette possibilité de transmettre le mouvement du qi. Le dernier sens de l'esprit concerne l'esprit du peintre, c'est-à-dire que la qualité de l'œuvre ne reste pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau de la moralité de celui qui l'a créé. Le talent de l'artiste est une extériorisation de sa moralité, de sa personnalité. Dans la langue chinoise, il y a une expression « avant de dessiner un bambou, laissez-le croître d'abord en vous ». Cette expression est maintenant utilisée dans la langue courante, dans le sens de la confiance déjà en soi avant de mener une action. Dernier point, la culture d'humanisme et la culture de montagne haut. Je cite d'abord le propos de Julien. Le nu sort l'homme de la nature, il l'enferme dans la solitude de sa conscience. Ne le voit-on pas dans la peinture classique de paysage en Occident, où le nu jamais ne fait corps avec lui? Ce paysage n'est qu'un décor, le nu s'en détache. Regardez Poussin. À l'inverse, les traités de peinture en Chine insistent sur la façon dont le personnage habillé se doit de répondre au paysage et d'être de connivence avec lui. Le paysage aussi lui répond. Fin de la citation. La peinture chinoise laisse pourtant une image monochrome et les objets représentés sont stéréotypés. Toujours montagne, eau, rochers, nuages, arbres, fleurs, oiseaux, poissons et crevettes, etc. Avant d'accéder au nu, le dessinateur ne s'est pas concentré même sur la figure humaine. Dans un tableau traditionnel dit de montagne haut, le personnage se trouve réduit à de minuscules dimensions. Sa figure, presque imperceptible, est plongée au sein de l'ambiance du paysage. Premier sous-titre, attachement à la nature, héritage de la tradition agricole. Ce penchant presque inné des Chinois pour la nature peut s'expliquer d'abord par le contexte environnemental de ce pays. La Chine est un pays nourri par une longue histoire de l'agriculture. Pour avoir une bonne récolte, il est obligatoire que ses habitants portent toujours une grande attention à la nature qui les entoure. Deuxième sous-titre, conception cosmologique. Le ciel, la terre et l'homme, trois génies de l'univers. Je cite le propos de Julien. Sur l'étroite surface du papier ou de la soie, il ne peint pas un sujet privilégié. Mais il peint à chaque fois le monde. Il y reproduit le grand fonctionnement du vide et du plein, la compénétration du visible et de l'invisible. Il ne représente pas la nature en l'imitant, voire en y choisissant, mais il reproduit son incessant procès. Fin de la citation. Cette constatation est partagée par bien des recherches sinologiques. Voici une autre interprétation. Art intellectuel, le paysage chinois, bien que basé sur le réel, traduit en fait une vision intérieure. En Europe, depuis la Renaissance, un paysage est une fenêtre ouverte sur un point particulier du monde. En Chine, c'est une interprétation du macrocosme. Alors comment en dirent les Chinois eux-mêmes? Le peuple chinois est déiste. Le sacré implique non seulement Confucius, Lao Tzu, Zhuang Zi, mais également la montagne, l'eau, le rocher, le nuage, l'arbre, etc. À savoir que ce peuple de l'Orient appelle le ciel, la terre et l'homme les trois génies de l'univers, Yu Zhou San Cai. L'écriture du caractère chinois Hua Wang est significative du rapport entre ces trois notions. Les trois lignes horizontales incarnent les trois génies et sont liées par une ligne verticale qui symbolise la communion entre eux. Le ciel et la terre sont respectivement le père Yang et la mère Yin, qui, par leurs interactions, donnent naissance aux 10 000 êtres dans la nature sous forme de 5 éléments. Alors que l'homme, qui joue le rôle d'intermédiaire entre le ciel et la terre, fait prospérer les 10 000 êtres. Essayons de comprendre cette communion entre l'homme et l'univers par nombreux exemples. Dans le cadre des pensées philosophiques, il ne faut pas oublier la célèbre formule de Confucius. À l'homme d'intelligence plaît l'eau, à l'homme de bonté la montagne. À l'un le mouvement, à l'autre le repos. L'homme d'intelligence vit heureux, l'homme de bonté vit longtemps. Et l'histoire fantastique de Zhuangzi. Zhuangzi rêve un jour qu'il était un papillon tout heureux de vivre. Réveillé, il ne savait plus s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi, ou c'est Zhuangzi lui-même qui avait rêvé qu'il était un papillon. Dernier sous-titre, la nature comme refuge de la vie réelle et effusion des sentiments reflets. Dans une lettre écrite à Qiu Changru, Yuan Hongdao, voilà, ça c'est un essayiste et poète chinois de la dynastie des Ming, lui a confié ses plaintes sur le carcan invisible de sa vie quotidienne. Je cite, « Je vous assure que rien n'est plus pénible que la charge que j'exerce. Aucun mot n'est assez fort pour le dire. Je suis un esclave quand je rencontre un supérieur, une courtisane quand je reçois des hôtes de passage, un boutiquier quand je m'occupe de finances ou de ravitaillement, une entremetteuse quand je transmets un avis à la population. Une seule journée souffle sang chaud et froid. Passer du yang au yin et du yin au yang, un magistrat doit endurer à lui seul tous les penchants vicieux du genre humain. Quelle amertume, quel poison. Pour Yuan, il n'est pas de souffrance pire que celle d'un magistrat. Cette dame agitée par les préoccupations mesquines est doucement apaisée par la nature sereine. Les Chinois disent souvent que servir un souverain autocratique, c'est comme dormir avec un tigre. L'esprit et la conscience individuelle, longtemps étouffés, aspirent à la liberté. Pour un lettré fonctionnaire de l'Empire du Milieu, parmi les meilleures choses de ce monde, rien ne vaut être oisif et libre. La nature avec des montagnes vertes, de légers nuages, des sources limpides, des pierres précieuses et des oiseaux qui s'envolent vers l'infini lui offre justement cette exutoire de s'évader de temps en temps du carcan despotique, de retrouver la canteur d'une âme sensible aux imaginations romantiques. Pour Ni Yunling, grand peintre des Yuan, l'idéal de la peinture repose purement sur la joie d'être avec la nature. Je cite le propos de Ni Yunling, « Mes peintures de bambou ne veulent que dépeindre en moi l'incaptable. Que m'importe qu'elles soient ou non conformes à la réalité, que les feuilles en soient minces ou épaisses, ou les branches droites ou courbées, ce que j'entends par peinture, quelques traits rapidement jetés par un pinceau romantique, destiné non à copier le modèle, mais à me donner la joie. » Fin de la citation. C'est une joie aussi partagée par le poète Tao Yuanming qui cueille des chrysanthèmes au pied de la haie et lève le regard vers les monts lointains. Cai Ju Dong Li Xia, Yu Ran Jian Nan Shan, et qui a l'habitude de jouer de la cithare sans cordes, puisqu'il entend déjà dans son fort intérieur les mélodies muettes. Je me contente de la saveur qui gît au cœur de la cithare. À quoi bon m'escrimer sur le son des cordes? Tan de qin zhong qu, he lao xian shang yin. Voilà, c'est fini. Merci à tout le monde. Merci à Zhang Yin pour cette communication remarquable. Alors, je donne maintenant la parole au professeur Wu Hongyang. Il est docteur en sciences du langage à Paris 8. Professeur Wu Hongyang travaille depuis une quarantaine d'années sur la linguistique et enseigne depuis 1994 au département de français de l'Université de Wuhan. Il a publié nombreux articles sur des sujets linguistiques comme, je cite, la logique dialectique dans la dichotomie. Dans la dichotomie, pardon, du sujet et du prédicat en 2003, ou Jacobson, métaphore et métonymie en 2008, ou encore l'analyse sémiotique d'un poème bouddhiste en 2009. Il signe aussi des traductions telles que La nature de la nature d'Edgar Morin en 2002, ou Leçons sur l'histoire de Raymond Aron en 2002 également, ou encore le démon de la théorie d'Antoine Compagnon en 2011, ou plus récemment aussi le rêve dans le pavillon rouge de Cao Xueqing, version abrégée et illustrée, publiée chez Bibliothèque de l'Image en 2010. Il est à noter qu'une décoration de la Palme académique française lui a été décernée en 2002. À vous la parole. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici invité par monsieur François Lumien que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup surtout les livres qu'il a écrits. En réalité, je suis linguiste et c'est pas hasard, j'ai tombé sur ces livres qui me passionnent. Parce qu'aujourd'hui, on me demande de faire quelque chose sur la traduction, alors j'ai choisi justement quelques paragraphes du livre De l'essence est venue, traduit par monsieur Lin Zhiming. Alors en réalité, c'est pas